On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos mères. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I think you know. Wow! On the rocks. Wow! Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Amis de la musique de la radio et des amis de la musique de la radio de la musique, bonsoir. C'est Manu qui vous accueille comme tous les lundis soirs, ou presque, puisqu'il y aura une pause dans cette On the Rocks cette année, puisque bah voilà, c'est les grandes vacances. En grandes vacances, on s'arrête, on se repose. Donc il va y avoir des petites pauses, mais en tout cas, une petite pause de 2 mois, hein, quand même. Mais en attendant, je vais vous proposer ce soir, pour la dernière émission On the Rocks de la soirée, eh bien, un florilège, une sélection pour une grosse première moitié d'émission. Deux groupes d'artistes, de chanteurs que vous pourrez voir et entendre sur scène. Oui, oui, j'ai bien dit voir et entendre sur scène, en chair et en os, debout et démasqué, sur notre bonne ville d'Orléans, dans les semaines à venir, c'est-à-dire juillet, un peu août aussi, mais surtout juillet. Et vraiment, vraiment, il y a des belles choses. On va commencer avec le coup de cœur. On va s'éloigner un petit peu du rock'n'roll dans le coup de cœur d'On the Rocks ce soir. Mais en tout cas, on va commencer avec deux artistes, deux groupes qui vont donner un concert le dimanche 11 juillet prochain. C'est comme si c'était demain. Ce sera dans le cadre des concerts essentiels. Alors comment ils appellent ça? Je ne sais plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la formulation. Ils seront donc sur la scène extérieure, concert gratuit au Campo Santo. Ce sera le dimanche 11 juillet. Alors là, il va peut-être y avoir un petit peu conflit d'intérêts et de trahison, puisque si la France, l'équipe de France de foot va en finale de l'Euro, eh bien ce sera le soir de la finale et pile à la même heure. Alors là, ça va quand même pas être facile. Voilà, ça s'appelle l'été essentiel, c'est, j'ai retrouvé. C'est le CCNO qui, avec l'Astrolabe, le CDN d'Orléans, propose une programmation de danse, de performance et de concert. Eh bien voici donc deux groupes qui seront en concert pour cet été essentiel. Ce sera cette fois le dimanche 11 juillet. On va commencer avec le dernier excellentissime album. Ils étaient déjà venus à Hop Hop Hop, de Jupiter and Oquest, avec Nakazonga, ce morceau qui tourne un peu partout, où Jupiter s'amuse à chanter dans toutes les langues possibles et imaginables. Ça va de l'allemand à l'espagnol au français. Et puis juste après, il y aura un extrait d'un, alors il n'y a pas d'album je crois encore, en tout cas d'un groupe qui sera sur scène également ce soir-là avec juste avant ou après, je ne sais plus, Jupiter and Oquest. C'est Bénin International Musical avec The Bénin Atmosphere. C'est pour vous dire que cette émission commence dans la chaleur. Vous êtes dans On the Rocks et voici ce que vous allez pouvoir vivre en live. Oui, du vrai live, oui, bientôt. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Pour que ma famille in Africa. Nakozonga. Ich weiß, ich kann dir sagen. Na Tamboli, die Tambola, Tambola, Namukiu. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Tout est ma famille in Africa. Tout ma famille. My kid and my gross father. Ma kuzunga. Il est temps pour moi de raconter mes ancêtres. Où est ma famille in Africa? Où est my grandfather in Africa? Où est my forefather in Africa? Yes, it's good to say bye bye, oh de bye bye bye bye bye. Jules, I'm feeling good. Adiós. Juega mi delega mente que me voy a tomar una prepondere. Y el mar a la mamina que se pere. Mi chiste en un inferno en el aspiro pere. Yo torpere. Quizá mi nombre no pere. Mi gente le, mi gente le. A lo mismo ni son Juan y son y. No mira no apona todo lo de mi wala. Y si yo no me pongo. Juan y son y mira si me lo mi wala. Y si yo no me pongo. No mira no apona todo lo de mi wala. Y si yo no me pongo. Juan y son y mira si me lo mi wala. Y si yo no me pongo. Visitelo, Africa, visitelo. Penetro Guilherme, visite. Oh, visite, vai me desu. Aí não me morreu, aí me tira o fogo. Penetro Guilherme, visite. sentez arriver votre soirée du 11 juillet prochain. Eh bien, ce sera sur ces rythmes-là et ça va vraiment, vraiment faire du bien à tout le monde dans ce cadre de l'été essentiel Campo Santo à Orléans. Il y aura donc Jupiter and No Quest qu'on a entendu en ouverture d'émission de The Rock ce soir avec Nakazonga. Et puis, juste après, c'était Bénin International Musical avec ce morceau imparable que vous venez d'entendre qui s'appelle The Bénin Atmosphère. On était donc en Afrique. Eh bien, figurez-vous qu'il y aura énormément de métissage ce soir dans The Rock. C'est énormément d'horizons différents musicaux, puisque ce sera le cas pendant tout le mois de juillet à Orléans, et en particulier une programmation fantastique à la sardine. Alors bien sûr, ce sera clôturé au mois de septembre, début septembre, par le concert des 20 ans des Sokoï Fever, mais il y aura bien d'autres choses, et en particulier le 29 juillet, alors je ne serai pas là malheureusement, mais je commence à le regretter amèrement, le 29 juillet, il y aura toujours à la sardine, donc sur, vous savez, au bord de Loire, cette petite guinguette fantastique où on a vécu des grands, grands moments, et bien ils reviennent. Et il y aura donc le 29 juillet, je le disais, on va aller faire un tour cette fois du côté des Antilles avec le grand, grand David Walters qui donnera donc un concert à la sardine. Et ça, c'est un vrai événement. Si vous ne connaissez pas David Walters, vous dites, qu'est-ce que c'est David Walters? Vous allez entendre trois notes de ce qui va suivre et vous allez dire, ah oui, d'accord. Donc vous allez réserver votre soirée du 29 juillet. Ça sera à la sardine, ça sera à Orléans et ça sera du live. Saudi moi, souris pas moi, dansez pas moi, vous trappez moi, on t'est paré, paré souris, paré saisi, paré vivri. Mania, ni en bagaille, café moins de sombre l'état. En bagaille, en chair, café moins de fête foi. Ni en bagaille, café moins de sombre l'état. C'est comme ça, toi et moi. Souris pas moi, dansez pas moi, vous trappez moi, mentez paré, paré souris, paré saisi, paré vivri. Ni en bagaille, café moi de sombre l'état. En bagaille, en chair, café moi de fête foi. C'est comme ça, toi et moi, c'est comme ça. Mania, on t'est paré, mania, nous pour compter. Mania, on t'est paré, juste pour en t'y danser. Mania, on t'est parlé, mania, vous pour compter. Mania, on t'est parlé, juste pour en t'y danser. Mania, mania, mania, mania, mania, mania, mania, mania, mania. Mania ou pas, parlez devant moi. Pour qu'à serrer, serrer comme moi. Nous décider, pas quitter nous. Aïe, tomber, nous qu'à prendre soin. Y'en de l'autre, soigne la vie nous. Nous choisissons, sortir de là. Pour aller en côté éthi, éthi ou pé. Tout près de nous, nous aimer nous. Nous aimer nous. Nous aimer nous. Nous aimer nous. Ni en bagaille, café moins de sombre l'état. Bagaille en chair, café moins de fête foi. C'est comme ça. Toi et moi. C'est comme ça. Toi et moi. Mania, on t'est parlé. Mania, nous pour compter. Mania, on t'est parlé. Juste pour en t'y danser. Mania, on t'est parlé. Mania, nous pour compter. Mania, on t'est parlé. Juste pour en t'y danser. We'll be right back. Angola. Café noir et robe blanche, buvez-moi ça, c'est le CD. Dans ce bar, pas de peau, les Isorola. Disparu, pas de chance de se t'apprécier de CD. Oui, là. Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola. Dans le coin d'un bistrot, Lady se posa. La musique plein les hanches, j'avance à passer les serrés. Chocolat ou rhum coco, Lady, tu veux ça? Cœur touché à l'âme blanche, frappez-moi ça, c'est les serrés. Oui, bien là, African woman, oh, hey, oh. Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Napa West, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola. Son petit doigt sur ma peau, Lady dessina une jolie rose blanche et m'embrasse à serrer, serrer. Sous les draps d'un nichot, Lady Angola m'a fait faire nuit blanche, on s'est collé serrer, serrer. Oui, là. Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola, Lady Angola. J'allume la lumière blanche, pas de Lévis et de CD. Dans ma ville, mon ghetto, je vis pas à pas. Et je travaille même le dimanche, pour moi la vie c'est de CD. Ah oui, c'est imparable ça aussi, c'est vraiment imparable, ça donne envie d'être à l'été et ça tombe bien, nous y sommes. C'était à l'instant Patkala avec Lady Angola. Voilà, il sera en concert lui aussi à Orléans le 15 juillet à La Sardine, cette espèce de funk sénégalais vraiment réjouissant. Et bien voilà, vous pourrez aller juger sur pièce à La Sardine en bord de Loire. Et puis quelques jours plus tard donc, il y aura David Walters avec Magnier qu'on a entendu juste après. À La Sardine donc, une belle programmation pour cet été à Orléans. Ça fait vraiment plaisir de les retrouver, et surtout avec une programmation aussi éclectique. Vous voulez par exemple, vous rêvez de soul sicilienne, et bien c'est possible, de la soul sicilienne, il y en aura à La Sardine. Ce sera cette fois le 9 juillet, donc tout bientôt, vendredi 9 juillet, avec la présence de Crimi, qui nous joueront probablement ce morceau qu'on va entendre maintenant dans The Rocks et qui s'appelle Mano d'Oro. Vous êtes dans The Rocks donc. pas tant de rock'n'roll que ça ce soir, mais alors de la musique de tout premier ordre et vraiment des merveilles, des petites pépites que vous pourrez entendre live. Donc, on démarre avec le 9 juillet, Soul Sicilienne de Crimi avec Mano d'Oro. Amore, amore, quanto sei lontano. Continuo con salò letta la sera. Continuo con salò lo sta lontani. Ma la te ti levi alla mattina. Ma la te ti levi alla mattina. Oh mano, mano, toro, fanno me becca. Mano, mano, toro, fanno me becca. Oh, e non un altro rompente me becca. Voleva ere onne la la negra. Ti vio un uga pezzo ne travaia. Ti vio se ti vale la tua picca. Oppure avanti la frappella l'aria. Con un ferro filato alla timaria. O mano, mano, te rompente me becca. O mano, mano, te rompente me becca. sera possible à Orléans cet été, tout sera possible à la Sardine, à la guinguette La Sardine. Il y aura de la soul sicilienne, on a entendu tout à l'heure, Crimi avec Mano Doro, et à l'instant, c'était ce qu'on appelle de la folk occitane. Voilà, c'est de la musique folk occitane, ou du folk occitan, je sais pas comment on peut dire. C'était Cocana avec le morceau Janetta, et eux, ils seront, enfin elles plutôt, elles seront en concert le 24 juillet à La Sardine. On continue à se visiter un peu la programmation de la guinguette. Alors il y a une date qui a été annoncée, que je n'ai pas retrouvée, qui est réapparue, qui a redisparu. Alors je sais pas si elle est bonne, il faudra être un petit peu attentif, mais en tout cas, ça a été une sacrée découverte pour moi. Ce sera donc, encore une fois, à la guinguette à Orléans, ce sera le 10 juillet, le samedi 10 juillet, à la Sardine. Et donc c'est un jeune homme qui s'appelle Peter Harper. Donc j'ai découvert, j'ai écouté, je me suis dit, oh mais c'est vachement bien, c'est un peu voilà une sorte de folk country un peu atmosphérique avec une voix magnifique. Et je dis, mais cette voix, ça me fait penser à quelqu'un, ça me fait penser à Ben Harper. Et là c'est Peter Harper. Je me dis, oula. Donc je suis allé fouiller un petit peu. Ben voilà, alors j'ai découvert un truc, hein. On a beau être féru de rock, écouter de la musique tout le temps et faire une émission de rock depuis 28 ans, je ne savais pas que Ben Harper avait un petit frère, un frère cadet, qui est à la fois plasticien, surfeur et musicien. Et donc, Peter Harper, le petit frère de Ben Harper, sera en concert à la guinguette sur les bords de Loire. Ce sera le 10 juillet, date à confirmer, hein, à vérifier auprès de la Sardine. Voici un morceau que vous pourrez peut-être entendre. Ça s'appelle Born Without. Et alors voilà, c'est un peu moins extraordinairement métaphysique que Ben Harper, mais ça reste quand même super bien. Voici donc le petit frangin Peter Harper dans The Rocks, et j'embrasse moi ma petite frangine qui est beaucoup plus grande que moi, mais plus petite, enfin je vous expliquerai. Now I do the best I can. You were born without a father, a full-grown woman from the start. Nothing but love was inside you. Enormous, incurable heart. Thank you. eyelids are open, but your brain is shut. You're a victim of a shock therapy. Say what? I said a victim of a shock therapy, right? Your mother is crazy and your father's a fool. No wonder they're sent us to school. Woo! Shut up! No, it's not the answer. The secret life of my answer. It's not my mother that I am. I'll be back when I toujours dans The Rocks pour la dernière émission de la saison, reprise fin août, début septembre, je vous ferai signe. En tout cas, ce soir, dans cette première partie d'émission, on se visite les groupes que vous pourrez entendre durant le mois de juillet à Orléans. Et après une année de disette, eh bien voilà, là ça devient absolument incroyable. Il y a des concerts super bien tous les soirs. Alors on répète, Jupiter and Oquest et Bénin International Musical, ce sera le dimanche 11 juillet dans le cadre de l'été essentiel. Co-organisé par l'Astrolabe, David Walters, Manier, vous avez entendu tout à l'heure, ce sera à la Sardine, à la Guinguette, le 29 juillet, Pat-Cala, avec Lady Angola tout à l'heure, c'était le 15 juillet à la Sardine également, Crimi, ce sera, cette soul sicilienne, ce sera le 9 juillet à la Sardine toujours, Cocana avec Janetta, vous avez entendu, c'était le 24, ça sera le 24 juillet à la Sardine, et Peter Harper, donc, qu'on a entendu juste avant, là, tout de suite là, avant, c'était Magone, avec Shock Therapy, eux, ils seront le 22 juillet en concert à la Sardine avec ce rock un peu psychédélique, et juste avant il y avait donc Peter Harper, le frangin de Ben Harper, annoncé le 10 juillet à la Sardine à la Guinguette avec Born Wizard. Et bien figurez-vous que le même soir, le 10 juillet, alors je m'étais dit super, je vais aller voir Peter Harper, et bien non, figurez-vous que le même soir, le 10 juillet, qui y aura-t-il pas dans le cadre de l'été essentiel, cette fois ce sera pas un concert gratuit, ce sera payant mais vraiment pas très cher, concert au départ programmé au théâtre d'Orléans, et bien ce sera la grande Sarah McCoy que je vénère et que j'idolâtre et que je défends depuis des années dans The Rocks. Je l'avais découverte à Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'était vraiment un choc pour moi. Et bien elle revient en concert, donc auréolé d'un nouvel album qui est sorti il y a 2 ans, album magnifique et produit par Renaud Létang, je crois, et donc elle revient sur scène, et là vraiment ne loupez pas ça. On va se passer une reprise de Sarah McCoy, une reprise d'Etta James, ça sera donc au Copon Santo le 10 juillet, et vraiment vraiment ça va être un grand moment. Si vous ne connaissez pas Sarah McCoy, courez, et vous pourrez courir sur le site ontherocks.net. Il y aura dans l'onglet émission spéciale 2 interviews, les 2 parues avant la sortie de son premier album, et c'est une des artistes les plus incroyables que j'ai découvert ces 10 dernières années, on va dire, et en tout cas sur scène elle est absolument fabuleuse. Je vais essayer de faire une 3e interview post-album cette fois, je vous tiendrai au courant, et probablement diffusion à la rentrée. Sarah McCoy donc avec I'd Rather Go Blind, c'est une reprise d'Etta James. Something told me it was over when I saw you and her talking, yeah. Something deep down in my soul said, cry girl. Talking, yeah. I'd rather go blind, boy.

forcément, là, c'était complètement différent. Hein. Passer juste après la voix magnifique et tonitruante, plus si tonitruante que ça, d'ailleurs. Elle a calmé le jeu, en tout cas, sur l'album de Sarah McCoy. À l'instant, c'était le groupe Tourangeau Tévanille, dans une version électrique de The Flower Fix. Ils seront, eux, le 31 juillet, en acoustique, cette fois, toujours à la guinguette de la Sardine. Et puis, je vous rappelle, donc, Sarah McCoy en concert au Campo Santo, le 10 juillet, avec I'd Rather Go Blind. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie d'aller voir des concerts. Ça serait quand même assez pathologique, hein, quand même, après l'année et demie qu'on vient de passer. Peut-être que vous avez envie d'aller au cinéma. Ah bah oui, ça c'est une très bonne idée. Bah, je vous conseille fortement, plus que fortement, d'aller voir le film Gagarine qui vient de sortir sur les écrans. Un film absolument magnifique, avec une idée à chaque plan, de la poésie à chaque plan. C'est doux, c'est atmosphérique, c'est fleur de peau. C'est vraiment, voilà, comment rendre cinégénique une cité qui ne l'est pas à la base. Vraiment magnifique, magnifique film. Gagarine, l'un des films les plus poétiques que j'ai vu depuis longtemps. Et puis dans ce film Gagarine, il y a au départ quelques scènes assez galvanisantes, en particulier sur cette musique de The Streets. Alors je l'ai exhumé un petit peu pour vous encourager à aller voir ce film. On the flip, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. J'étais un petit peu perdu dans mes papiers. On the flip on the coin, c'est donc un morceau de The Streets qui n'est pas tout à fait nouveau, mais l'éclairage que lui apporte le film Gagarine est absolument fantastique. From the point he gazed from, the choice was made. But walk the cave or the shore, the oily cave seemed to breathe on him from gravestone jaws. His little hand grasped in anguish as he weighed off his coin. Somewhere a blue-eyed girl in the world is just waiting for a boy. Footprints trailed as if trod by slaves up to the grey cave floor. But not one graze from anything ever escaping this fall. So with coin on hand, his joy came back when ordered to take the shore. Why on earth has he wondered the warmth of my obeying this coin? Turn your life on the flip of this coin. Turn outside, a choice you normally avoid. Promise me, follow what it says, whatever it says. Again, walk within the trusted beach or swim the swell of the sea. And again, the scary alternative looked like certain death to him. He never learned the skill of swimming, it never occurred to be very easy. And again, he winced as he flipped his coin and it twirled to his feet. How is this saying he blamed the coin now aiming for the waves? As he hesitated at the swirl of water that now raged and rained. Blue-eyed girls were waiting and he was drowning in the spray. Blue-eyed girls you should be acquainted with, but for shouting and flailing. Turn your life on the flip of this coin. Turn outside, a choice you normally avoid. Promise me, follow what it says, whatever it says. Finally slugs it back to land, feeling chewed up and foolish. Empties his pockets on the sand, spewing a pool each. Staggers back to his dad, who's too cool to be. So he says, why did you have me follow this stupid rule, please? To be honest, little fellow, I'll tell you, I was just as afraid as you. But you said you wanted to get with people and places ever new. And I got a bit scared about the fate of my baby son's future. So I invented a reason to see whether you could ever make do. As soon as you appeared behind that rock looking angry at me, I soon realised what a hell of a man you've ended up being. I knew you'd worked out how to swim which I hadn't had in me. And I stand as a companion of you, proudest a man has ever been. Turn your life flip of this coin, turn outside, a choice you normally avoid. Promise me, follow what it says, whatever it says. We'll be right back. thinking about, I'm certain. But now it's gone up to 13. Let's see behind the curtain. Sometimes some things go where the sand. Sometimes it's needed to. Saison avec d'abord nous avons eu The Streets avec On the Flip of a Coin, et puis à l'instant c'était le dernier morceau de Jekyll Wood qu'on s'était déjà diffusé il y a bien des lunes dans The Rocks avec le morceau 13, voilà, morceau protéiforme. Ça commence un peu comme de Lenny Kravitz et puis ça s'adoucit, c'est presque un morceau progressif, vraiment très très beau morceau de Jekyll Wood. Voilà, j'ai été passé un peu à côté, submergé par les mails, et voilà, on m'a un peu relancé, mais écoute quand même. Et donc ben merci de m'avoir relancé, parce que c'était vraiment très très bien Jekyll Wood, donc avec 13. Allez, on retourne aux concerts qui vont avoir lieu à Orléans dans les semaines à venir. Le jeudi 26 août cette fois, ce sera toujours à la Sardine, et c'est un concert qui lui est programmé par l'Astrolabe à la Sardine. Ce sera Brahma. On va se passer un extrait donc de leur dernier disque, et donc vous pourrez les apprécier en chair, en guitare, en os et en musique, et en Larsen peut-être un peu. C'est ça donc, Brahma avec le morceau Roula maintenant dans The Rocks. Faisait pas bon ménage. La preuve en image. Voici Brahma. We'll be right back. Nadamoud à nouveau pour son projet Blessings, Blessings the Band, c'est écrit sur Instagram. Le morceau c'était Palm Tree, toujours ce mélange de la musique d'Nadamoud qu'on connaît depuis longtemps, avec ses synthés un peu atmosphériques, ça lui va plutôt vraiment pas mal. On en reparlera bientôt dans The Rock, j'espère. Et juste avant, c'était donc ce groupe français qui mélange rock, un peu psyché aussi, et Vielleroux, donc c'est quand même pas si courant, Brahma, qui sera en concert, eux, le jeudi 26 août, ce sera à la Sardine, à la Guinguette. Allez, on avait ralenti un petit peu l'atmosphère hein. Vous avez vu hein, le rythme un petit peu ralenti dans The Rocks pour cette fin d'émission et pour cette dernière de la saison. On va continuer à lever un peu le pied avec un extrait d'un album qui est une petite merveille, mais comme souvent leurs albums, c'est Kings of Convenience, qui viennent de sortir donc leur nouvel album avec Love is a Lonely Thing. I Love is a Lonely Thing, voilà. Et vous allez reconnaître la voix féminine qui chante avec Kings of Convenience. C'est une artiste que j'ai eu la joie et l'honneur de recevoir à mes micros dans The Rocks il y a bien longtemps, et ça va être une bien belle rencontre. C'est la Canadienne de Faith. Voici donc Kings of Convenience, accompagnée par Faith, et c'est dans The Rocks. If you want someone to enter in your life, show a part of your world they can dream about. It will seem a fair idea if you make it their idea. Go back to your corner, let them. venez d'entendre est vraiment ma craquerie du moment, l'album que j'écoute en boucle en ce début d'été. C'est Lord Huron qui vient donc de sortir son album avec ce morceau Mine Forever. Tout est bon. Voilà, ça pourrait être la bande originale de tous les films à venir de Quentin Tarantino. Ça recycle un petit peu les clichés de la folk et de la country dans une version un peu proche de Burt Bacharach, c'est-à-dire Bacharach, pardon, avec vraiment des envolées un peu lyriques à la Nancy Sinatra. C'est vraiment magnifique. Tout est magnifique sur cet album de Lord Huron. Je vous le conseille vraiment. C'était Mine Forever à l'instant. Et juste avant, c'était les Kings of Convenience avec Faith qui venait pousser un petit peu la voix. Voici un artiste que lui aussi je défends depuis pas mal d'années dans The Rock. Son dernier album studio était vraiment magnifique avec un morceau qui a enchanté mon été passé, l'été dernier. Ça s'appelait Whiskey and Blanket. C'est bien, il ressort une version de ce morceau qui est beaucoup moins sautillante puisque c'est version très ralentie, acoustique voix, et c'est tout aussi magnifique dans un autre style. Voici donc Stu Larsson dans The Rocks avec Whiskey and Blankets, et ça c'est pour les longues soirées d'été sous les étoiles. I'll grab the whiskey, you get the blankets, we'll settle in for a little while. Tell me that story about your secret. You know the one that makes me smile. We'll talk for hours. We've got the time. I wanna be with you right through the night. Yeah, let's be together until the morning. We can stay awake and watch the sunrise. True love and genuine happiness. You know I'm never gonna ask for more than this. So please don't be surprised when I say to you, darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. Darling, it's alright. Not going anywhere, I wanna be right by your side. Out in your garden, under the moonlight, shining bright, never gonna fade. We started dreaming, right in that moment, of all the things we're gonna do someday. We'll take our cameras, let's disappear. We can find ourselves and get lost again. Now you're getting tired, though you deny it. Let me play this guitar while you drift away. True love and genuine happiness. You know I'm never gonna ask for more than this. Please don't be surprised when I say to you, darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. Darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side. True love and genuine happiness. No, you're never gonna ask for more than this. So I was not surprised when you said to me, we could get married, no fancy wedding. A simple day is all we need. A house in the country, our own little garden, honeybees, two cats and one sheep. And we'd have each other, we'd be so happy, with only the bare necessities. So please don't be surprised when I say to you, darling, it's alright. I'm not going anywhere. I wanna be right by your side.

reconnu ce morceau, bien sûr une reprise de Led Zeppelin. C'est tiré d'un EP entièrement composé de reprises qui vient de sortir du grand Dylan LeBlanc, chanteur américain qui vient donc de reprendre à la fois les Stones et Led Zeppelin sur un même EP. C'était Going to California, et juste avant c'était Stu Larsson qui se reprenait lui-même avec Whiskey and Blankets. Puisqu'on était dans les reprises, voici pour cette dernière émission de la saison un morceau qui a été enregistré live, c'était en 2005 je crois, voilà, par un artiste qui au départ n'en faisait pas beaucoup et après on a fait beaucoup des reprises, enfin aussi il en a toujours fait un petit peu en concert quand même. Voici donc une reprise du morceau Girl des Beatles par, eh bien je ne vous dis pas, vous allez reconnaître la voix immédiatement. Girl. left overhead. On a beam and swan. Those wild angry waves splashing down above, ranting and raving. Wild angry waves splashing down above, ranting and raving. Where did all this time go? Been all over the ce magnifique morceau de Peter Van Paul tiré de son dernier album que je vous quitte pour cette saison dans The Rock. Je retrouverai fin août, début septembre. Il y a eu Joe Jackson évidemment avec Girl, et à l'instant c'était Peter Van Paul avec Venice in My Veins. Bonne nuit, bonsoir, bel été avec du live, des concerts et des joies démasquées. C'était On The Rocks, c'était Manu.